voulais vous remercier pour cette excellente émission aujourd'hui sur la série Lost, les disparus, dont je suis vraiment une grande fan depuis toujours. Je l'ai regardée quand j'avais 12 ans à l'époque. Aujourd'hui, je suis en plein revisionnage et c'était vraiment un plaisir d'entendre cette émission. Et voilà, je voulais vous en remercier. Bonne et chaude journée. Au revoir. Certes, bien sûr, DJ Abrams, bien sûr. Mais attendez, il est parti très, très vite. Dès après le pilote, quasiment, il n'est plus impliqué. Il laisse tout de même, justement, l'équipe un petit peu esselée, d'où la recherche du père, peut-être. Mais Damon Lindelof va aller quand même chercher le vieux Carlton Cuse pour travailler sur la série et la construire. Et peut-être que Jeffrey Jacob... Adam, c'est un petit peu aussi le Jacob de la série, voilà. Une de vos invitées sur Lost est en train de dire que, en gros, puisque Lost parle de philosophie, ça parle de croyance, donc ça parle de religion. Alors là, le raccourci entre philosophie et religion, je le trouve formidable. C'est juste aberrant, enfin, des philosophes athées, ça existe, et il n'y a pas que des philosophes chrétiens, juifs, ou musulmans, ou bouddhistes, ou shintoïstes, qui traversent ce bas monde, voilà. Ce grand débat entre les gens qui comprennent, qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas de ne pas avoir compris, ou qui se trouvent, ou qui s'estiment avoir été floués, trompés, etc. pendant 6 ans, on s'en fout. Il faut accepter que c'est une série insaisissable et qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout comprendre. Et c'est ça qui fait le charme de la série, c'est ça qui fait le charme de la vie. Et on n'avait pas prévu cette fin. Et on s'en fout. Ah ben c'est vrai, quoi. À un moment donné, il faut dire les choses. Eh, youpi, youpi. Youpi, c'est l'heure de Blockbuster. To be or not to be, not to be. La semaine dernière, Disney, l'entreprise de Mickey, la petite souris qui préfère l'argent de vos enfants à leurs dents, annonçait, non sans une certaine fierté, qu'elle allait produire un remake du dessin animé de La Petite Sirène, avec des acteurs de chair et d'os, comme elle l'avait déjà fait auparavant avec Aladdin, Le Livre de la Jungle ou bientôt Le Roi Lion. Oui, il ne faut pas leur en vouloir chez Disney. Devant la Joconde de Léonard de Vinci, il y a toujours un exécutif sorti d'une école de commerce qui se demanderait si le tableau ne se vendrait pas plus si on en faisait un selfie. Originalité de ce remake, Ariel sera interprétée par une jeune actrice noire nommée Halle Bailey. Aussitôt, sur le net, les réactions ne se font pas attendre. Les spécialistes autoproclamés de la physiologie des femmes à queue de poisson déclarent « La petite sirène ne peut pas être noire sous prétexte que dans le dessin animé d'origine, elle ne l'était pas. » Ce qui, j'en conviens, est un problème. D'autant que là, on n'a pas encore abordé la difficulté de caster un crabe rouge sachant chanter le calypso ou une actrice de couleur violette avec des pieds de poulpe pour incarner Ursula la sorcière. Charlton Heston peut incarner Moïse, Scarlett Johansson peut interpréter une cyborg japonaise, Leonardo DiCaprio peut incarner Louis XIV, mais en 2019, une actrice noire n'a semble-t-il pas le droit d'incarner une sirène de dessin animé. Et si au fond, le plus scandaleux dans cette histoire, ça n'était pas que Disney ose toujours plus de diversité dans ses castings, mais qu'il nous refourgue encore et encore le même film vendu par une polémique dont l'époque a le secret. Au fond, est-ce qu'on ne serait pas en face d'un beau piège à com? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Vous êtes divorcé? Occupez-vous de votre volant. Allez, répondez, divorcé ou séparation, hein? Elle vous battait peut-être. C'est une question de job. Elle a eu l'occasion de faire carrière. Mais il a fallu qu'elle vienne vivre ici. On peut rien vous cacher, Argyle. Pourquoi vous êtes pas venu aussi? Je suis un flic de New York, moi. Et il y a dans ma bonne ville tout un stock de salopards que je tiens à voir derrière les barreaux avant d'envisager de m'en aller changer d'air. En d'autres termes, vous vous êtes dit qu'elle allait se planter ici et vous revenir en rampant alors que c'était pas la peine de faire vos bagages? Vous comprenez à demi-mot, bravo. Alors je peux mettre un peu de musique? Mais ça déménage! Y a rien qui fasse un peu plus Noël? Et vous entendez pas chanter les anges? En 1988 sort sur les écrans La Chapelle Sixtine du film d'action Piège de cristal en français, d'ailleurs dans VO que l'on pourrait traduire pour rester cohérent à l'esprit du film par celui qui meurt difficilement. Réalisé par John McTiernan, à qui l'on doit un autre monument du film d'action, Predator, et joué par un Bruce Willis fraîchement découvert par la série humoristique Clair de Lune, Piège de Cristal réussit l'exploit d'être un chef-d'œuvre de réalisation, d'écriture, de casting, qui a depuis été sans cesse imité, mais jamais égalé. Pour vous prouver que Die Hard est définitivement, si si, j'insiste, un chef-d'œuvre du 7e art, j'ai avec moi Stéphane Moïsakis. Bonjour. Salut. Vous êtes journaliste, critique cinéma et auteur du hors-série de Rokirama sur la saga Die Hard. C'est moi. Également avec nous, Léonard Desbrières. Bonjour. Salut. Vous êtes journaliste pour Combini, Technicart, Lire et membre de la chaîne YouTube Les Fanatiques. C'est ça. Je ne le présente plus, mais quand même, il est de mon devoir de le faire. Dedo. Hein, bonjour. Bonjour, bonjour. Auteur, comédien, humoriste et co-créateur de la série L'Histoire racontée par des chaussettes que l'on peut retrouver sur YouTube. Oui, tout est vrai. Et enfin, Florent Bernard, bonjour. Bonjour. Scénariste et réalisateur pour des séries et des web-séries, entre autres pour Golden Moustache, Studio Bagel ou la série Bloqué. Voilà. Alors ensemble, on reviendra sur la genèse de Piège de Cristal, son origine. On vous expliquera comment ce rôle, le rôle de John McClane, aurait initialement pu être joué par Frank Sinatra ou Al Pacino. On évoquera la carrière de John McTiernan, cet intellectuel du cinéma qui n'aime ni les flingues ni les terroristes et pourtant. On parlera bien évidemment de Bruce Willis et de son rapport conflictuel à son image de sauveur du monde. On parlera des suites de Piège de Cristal et surtout, on vous montrera en quoi Die Hard, c'est avant tout un film sur la condition ouvrière et la lutte des classes. Blockbuster spécial Die Hard, c'est parti. Et je vous rappelle qu'une fois de plus, cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mancip ont préparé cette émission. Et à la technique aujourd'hui, Juliette Delperroux et Philippe Duclos. Quand je pense que je commence à t'apprécier. Oui, bah t'as tort, je vaux pas le coup. Allons bon, qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'ai raconté des histoires. À propos de quoi? Tu te rappelles, je t'ai dit que Weiss avait trouvé la bombe à Harlem? Oui. En fait, c'était à Chinatown. C'est minable, même de la part d'un blanc, c'est indigne. Ouais, je sais, je suis un enfoiré. Merde. Écoute, c'était la seule façon de te contraindre à m'accompagner. T'es marié? Ouais. J'en reviens pas qu'il y ait une femme assez désespérée pour t'épouser. Elle a pas tenu le coup bien longtemps, on est plus ou moins séparés. Ça veut dire quoi, plus ou moins séparés? Eh bah, elle était à Los Angeles et moi à New York. On s'est frité au téléphone, elle a raccroché, et je l'ai jamais rappelé. Y a longtemps de ça? Presque un an, je crois. Un an? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Tu as foutu ton couple en l'air parce que t'étais trop con pour prendre la peine de téléphoner. Alors ça te fait rire, hein? Tu ris du malheur de ton prochain. Je parie que tu mets ça sur le dos de ta femme, hein? Ma femme est quelqu'un de très susceptible, vous voyez. Putain, arrête de te marrer, occupe-toi des menottes, nom de Dieu. J'ai presque... Voilà! Ça y est, ça y est. Ça, c'est ce que ça s'appelle la concentration. Oh mon Dieu! Quoi? Merde! J'ai lâché le bout de ferraille. Tu l'as laissé tomber? C'est pas vrai. Merde! Où il est? Tu l'as vu tomber? Je sais pas, moi, trouve-le. Je vois rien. C'est quoi ce bordel? J'ai dû toucher quelque chose qu'il fallait pas. C'était un extrait de Die Hard 3, une journée en enfer, une scène entre Bruce Willis et Samuel L. Jackson, doublée en français par Patrick Poivet et Thierry Desrose. Alors, avant d'avancer un peu plus loin dans l'émission, Stéphane Moïsakis, il y a plein de gens, quand on leur dit « Piège de Cristal est un film incroyable, un des monuments du 7e art », ils vont dire « Non, non, non, ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça ». Donc, est-ce que vous pouvez résumer pour les gens qui ne l'auraient pas vu, parce qu'il en reste, ce qu'est Die Hard? Alors, ce qu'est Die Hard dans sa fabrication, sa construction, c'est très compliqué d'expliquer pourquoi Die Hard est un grand film si on n'aime pas Die Hard, en fait, pour les gens qui n'aiment pas déjà, Die Hard. Déjà, ça raconte quoi? Bah, alors, c'est l'histoire d'un flic qui de New York, en fait, qui va à Los Angeles pour renouer avec sa femme, qui est en fait partie 6 mois auparavant pour son business, pour faire sa carrière. Et en fait, en arrivant sur place, il y a des terroristes qui prennent l'immeuble en otage, l'immeuble dans lequel elle travaille, qui s'appelle le Nakatomi Plaza, qui en fait est le Flux Plaza, c'est un immeuble qui existe vraiment à Los Angeles. Et en fait, lui se retrouve coincé d'un côté. Et il va tout faire pour essayer de sauver sa femme et la retrouver. Voilà. Et il se trouve que les terroristes sont pas vraiment des terroristes. Il y a un twist au milieu du film. Voilà. En gros, c'est ça. Et alors, c'est une histoire qui initialement était une suite d'un film prévu pour Frank Sinatra. Alors, en fait, c'est tiré d'un roman. Et il y avait le premier roman, en fait, c'est la suite d'un roman qui s'appelait Le Détective. Et la suite, en fait, c'est Nothing Lasts Forever. Et effectivement, le premier roman de Le Détective avait été adapté dans les années 60-70. Et l'idée, c'était que, bon, bah voilà, comme ce film avait plus ou moins marché, les studios avaient les droits du roman. Et ils sont partis adapter quelque chose, mais ils se sont rendus compte que Frank Sinatra était beaucoup trop vieux. Il avait 72 ans déjà à l'époque. Il en faisait 120. Pour jouer dans le film, quoi. Et alors, initialement, le rôle n'était pas destiné, le rôle de John McClane n'était pas destiné à Bruce Willis. Non, pas du tout. Alors, en fait, le studio a cherché à peu près tous les acteurs du cinéma d'action de l'époque. Ils ont proposé ça à Clint Eastwood qui comprenait pas trop le film parce qu'il y avait de l'humour. Ils ont proposé ça à, mais je crois même qu'il y a Richard Gere, il y a même des gens qui n'étaient pas forcément, il y avait Al Pacino. L'idée, c'était de faire un film un peu plus, c'est-à-dire que le cinéma d'action à l'époque, c'était un peu Commando, les films comme ça, un peu qui se sentaient un peu quoi sous les bras. Et du coup, il fallait vraiment faire un film plus classieux. Donc, ils ont cherché ces acteurs-là. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que comme personne ne voulait vraiment faire le film parce que le personnage était un peu trop passif au regard des standards du cinéma d'action de l'époque, bah ils ont proposé à Bruce Willis à la dernière minute. Et lui a plus ou moins joué de ce parce que la production était déjà lancée. Il a plus ou moins joué en fait de ça pour faire monter son cachet quoi. Et justement, resituons un petit peu le panorama, le paysage du cinéma d'action à cette époque. C'est les films tels que Commando, avec Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Il y a cette idée aussi vraiment du mâle alpha dominant qui ne meurt jamais, qui ne peut pas faillir. Et justement, on surprend énormément le spectateur avec le canevas d'un piège de cristal. Ouais, bah c'est pour moi c'est ça qui est génial, c'est qu'au début c'est un peu un loser en fait, John McClane, c'est-à-dire que quand on le découvre, on voit que il a peur en avion, ça se passe pas bien avec sa femme, il est loin de ses enfants et puis et tout ce qu'il arrive rien à gérer quoi, jusqu'à ce qu'il y ait effectivement l'attaque des terroristes où là d'un coup il y a ce truc un peu animal, cet instinct de flic qui revient, mais tout jusqu'à l'attaque en fait c'est un pauvre gars un peu perdu, c'est ça que j'adore moi avec le personnage, c'est que il a ce truc très théâtral d'ailleurs même de parler à haute voix que j'aime beaucoup. Il, quand il est tout seul dans une pièce, il s'exprime à haute voix en s'insultant. C'est un mec qui se déteste et je crois que c'est ça aussi qui différait avec tous les héros d'action de l'époque, c'est que c'est un gars qui dit à haute voix je suis un mec pas ouf. Et ça, c'est, je pense, ça a touché beaucoup de personnes. Il râle beaucoup aussi, surtout. C'est vraiment ça qui le rend attachant. C'est qu'il râle tout le temps. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'aime en France. C'est vraiment le mec qui en a marre de sauver le monde. Et ça, il y a une autodérision qui est assez folle, quand même. Mais d'ailleurs, il ne cherche même pas à sauver le monde. Un des premiers réflexes qu'il a quand il se rend compte qu'il est coincé dans cette tour avec ce qu'on pense être des terroristes initialement, c'est d'appeler la police. C'est-à-dire que c'est un des rares héros qui n'hésite pas à faire appel à d'autres personnes. Moi, je suis pas taillé pour le truc, venez m'aider. Et il passe d'ailleurs le film au talkie-walkie à parler avec un flic qui lui non plus n'a rien d'un héros tel qu'on le conçoit dans le cinéma d'action des années 80, qui est en bas et qui essaie de communiquer avec lui pour lui faire tenir le coup. Oui, puis c'est d'autant plus un nouveau maître étalon du film d'action parce que, on incorpore de l'humour alors que c'est pas du tout la norme à l'époque. Et surtout, on voit que le héros a des failles, plein de failles. Il est blessé, il a des galères, il a les pieds coupés. Alors que justement, à l'époque, c'est surtout Stallone, Schwarzenegger qui n'ont rien donc d'être humain au final dans ces cinémas d'action. Et même si on sent que Joel Silver a tenté de récupérer la formule de l'arme fatale, il essaye de faire évoluer ce qu'est le cinéma d'action à l'époque. Donc c'est déjà un game changer. Alors on va continuer de parler de la saga Die Hard, mais pour l'instant Pog McCartney, on l'écoute surtout, hein, il faut l'écouter, avec Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world we live in makes you give in and cry, say live and let die. this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. C'était Paul McCartney dans Blockbuster sur France Inter. Une grosse quantité d'explosifs se trouve dans la poubelle sur laquelle est assis le Samaritain. Si vous tentez de fuir, elle explosera immédiatement. On n'a pas l'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Puis-je avoir votre attention? Me rendant à Notre-Dame, je suis un homme à 7 femmes. Chaque femme ayant 7 sacs. Chaque sac contenant 7 chattes. Chaque chatte ayant 7 chatons. Chaton, chatte, sac et femme. Combien seront-elles à Notre-Dame? Pour me joindre, faites 555. Non, on n'a rien compris. Attends, redis ça encore. Pas question. Mon numéro est le 555. Mais je te dis de la réponse à ma devinette. Appelez-moi d'ici 30 secondes ou vous mourrez. Bon, 7 types qui ont 7 femmes. Tais-toi, je suis bon à ça, laisse-moi calculer. 7 types qui ont 7 femmes. Tu vas l'affirmer, merde. Il a 17 femmes ayant 7 sacs. 7 fois 7, 49. Dis-moi la suite. Chaque sac avait 7 sacs contenant 7. Oui, j'ai écouté, bah, alors, j'ai pas entendu. Mais j'ai une putain de gueule de bois, j'ai mal jusque dans les cheveux, okay, tu comprends? Ok, alors 7 femmes, 7 fois 7, ça fait 49. Plus 7 fois 7 femmes, ça fait 7 fois 7, 49. Ouais. 343 fois 7, 24, 2401. On est bien d'accord? Oui, j'espère. C'est sûr, hein, 24-01? Oui, c'est ça, tu fais le 555-24-01. Non, c'est pas ça, c'est putain, quoi, il y a un piège, je suis sûr qu'il y a. Comment un piège. Ça? La devinette commence par me rendant à Notre-Dame, je vis un homme à 7 femmes. Le type et ses 7 femmes ne vont nulle part. Bah alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis au bord de la route, ils attendent le bus, est-ce que c'est? Quelle mais question qui m'a qui se rend à Notre-Dame, celui alors? Celui qui raconte, juste celui qui raconte. Alors, il y en a oui, qu'un? Oui, c'est ça la réponse. Le chiffre aussi, hein. Comment je compose ça? Tu fais le 555-0001. 0001, il va tout seul, quoi. Voilà. Salut, John. Oui, c'était fastoche, essaie de trouver plus ardu une autre fois. J'avais 10 secondes de retard. Tenez, mon vieux. C'était un nouvel extrait d'une journée en enfer où cette fois-ci Jeremy Irons est doublé par Bernard Tiffen. Et c'est intéressant d'ailleurs de réentendre les VF parce que à cette époque, bah, les VF apportaient énormément aussi aux films d'action. Il y avait vraiment un travail de qualité qui a été fait sur ces films et travail qu'on a un petit peu perdu justement dans le cinéma gros blockbuster hollywoodien. Non, ouais, t'as un avis ouais, là-dessus? Ouais, je suis assez d'accord. C'était vraiment des voix qu'on... Et au début, enfin, on se souvient de ça, Patrick Poivet pour Bruce Willis, on se souvient de celle de Morgan Freeman dans Seven. C'est aussi ça qui permet de faire le côté Madeleine de Proust, par exemple, d'un film comme Piège de Cristal. On se rappelle ses voix, la boîte de Bruce Willis dans Piège de Cristal, quand il commence à s'énerver parce que la police lui répond pas, etc. Enfin, c'est quelque chose où je pense qu'il y a beaucoup moins de travail dans le cinéma. Enfin, c'est moins pris en compte dans la production d'un film de bosser les VF. Ils ont peut-être moins de temps aussi dans l'absolu. Je pense qu'ils ont aussi moins de temps, que là, la production est beaucoup plus rythmée, qu'on laisse moins le temps justement aux doubleurs de pouvoir s'approprier le texte et les intentions. Ça joue beaucoup. Oui, et puis en plus, à l'époque, les films, il y avait des mois et des mois entre la sortie américaine et française, donc il y avait le temps de bosser un peu le truc. Là maintenant, des fois, ils ont même pas les images, on leur donne juste la bande de texte parce qu'ils ont peur des spoilers, genre pour les Marvel, les trucs comme ça. Donc c'est, ouais, des fois, c'est plus difficile de faire du doublage aujourd'hui. Alors, revenons sur Die Hard et sur le premier opus, Piège de Cristal. C'est aussi la consécration d'un réalisateur absolument incroyable qui s'appelle John McTiernan, Stéphane Moïsakis. Qui est John McTiernan? D'où vient-il? Alors, qui est John McTiernan? D'où vient-il? Bah, c'est pour le grand public, il a été révélé. Alors, il a son premier film, c'est un film qui s'appelle Nomad, qui est un film fantastique. Mais après, il a fait surtout Predator avec Arnold Schwarzenegger, qui était déjà une production de Joel Silver. Un film incroyable. Voilà, effectivement, c'est un très très grand film d'action aussi. Et c'est en fait ce film-là qui lui a permis d'atterrir sur Piège de Cristal, qui est un film qu'il ne voulait pas faire à la base, et parce que en fait le scénario était un peu trop basique. Lui, ce qui l'intéressait là-dedans, c'est un intérêt. John McTiernan, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le théâtre, avec les acteurs, etc., etc. Et en fait, qui se pose beaucoup de questions sur la forme du cinéma et la façon, le langage du cinéma, et surtout en fait aussi des questions morales. C'est-à-dire que pour lui, le fait que ce soit des terroristes dans le film, c'était un gros problème parce qu'il voulait surtout pas promouvoir ce type de violence et ce type d'acte. Et c'est lui en fait qui en récupérant le projet, a décidé en fait d'en faire des braqueurs de banque et de créer ce plus ou moins ce twist qui fait que d'un seul coup on pourrait faire un film beaucoup plus amusant, beaucoup plus fun. Et en fait, il a réussi à convaincre Joel Silver de changer plus ou moins l'orientation du projet, quoi. Et voilà. Et après, bah, John McTiernan, c'est, enfin, ce qui est certain avec ce film-là, en fait, c'est qu'il a vraiment décidé de l'aborder exactement comme les films d'action ne s'abordaient pas à l'époque, en mettant en fait tout le travail possible, en fait, sur la lumière, sur la façon de composer le cadre. Il a travaillé avec Yann de Monte, qui était le chef-op également de Paul Verhoeven. Ouais, tout à fait. Parce que, en fait, réalisé RoboCop, Total Recall. Très grosse influence européenne pour Paul Verhoeven, pour John McTiernan, à travers donc Yann de Bont, mais aussi le fait qu'il a plus ou moins récupéré un style qui avait déjà plus ou moins été mis en place par Bertolucci dans les années 70, dans Le Conformiste, ce genre de film, où en gros la caméra, à travers beaucoup de mouvements, en fait, va vraiment signifier ce que ressentent les spectateurs, les personnages, pardon, et le transmettre aux spectateurs au même moment. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations dans le film, des choses qui se faisaient pas du tout déjà à la base dans le cinéma hollywoodien, et encore moins dans le cinéma d'action. Et par exemple, il y a l'idée qu'on puisse croiser au montage deux mouvements de caméra, c'est-à-dire un mouvement, un travelling avant et un autre travelling avant, ça se faisait absolument pas. À l'époque, il fallait vraiment cutter avec un plan fixe. Et ça, c'est le genre de truc qui lui ont valu des problèmes sur la table de montage parce que le studio comprenait pas ce qu'il essayait de faire. Et c'est ce qui fait aussi que le film a vraiment marqué une différence dans le cinéma d'action au moment où il est sorti, quoi. Et d'ailleurs, c'est grâce à Frank Urios, qui était le monteur de RoboCop, que ça a pu se faire parce qu'il avait une crédibilité par rapport à ça, qu'il avait été nominé aux Oscars et qu'on lui a laissé cette liberté-là. Sinon, ça serait jamais passé. Mais ce qu'on sait pas assez, peut-être, c'est que c'est en fait un alignement des planètes total. Ce film, Yann de Bont, qui était pas encore très très connu en tant que directeur photo, a fait effectivement un travail incroyable sur le film. Et je viens d'en verser de l'eau, mais c'est pas très grave. Il y a Richard Englund qui était aux effets spéciaux, qui a bossé sur des trucs comme Poltergeist, Les Aventuriers de l'Arche Perdue et du Star Wars. Donc il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est fait dans cette équipe et qui a donné justement derrière, je pense, cet incroyable film d'action qui est devenu une référence même 40 ans plus tard. C'est un film qui s'est fait très très vite, et en fait ce qui est fou, c'est que quand on écoute les commentaires audio des DVD, des trucs comme ça, les gens se sont beaucoup écoutés, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui a été presque réécrit pendant le tournage. Oui. Il y avait le scénariste Stéphane Souza, je crois, était sur le plateau, et quand on les voit, enfin quand on les écoute parler du tournage, c'est que chacun s'écoutait. Joel Silver avait telle idée, donc le scénariste disait bah ok, je l'écris, et McTiernan disait ok, moi je peux le faire comme ça, et il y avait cette espèce d'émulsion d'idées pour faire effectivement le meilleur film possible. Et Florent Bernard, justement, c'est un des rares films d'action, parce que c'est vrai que pour l'auditeur, là on parle de lumière, de chef-op, et l'éducation à l'image, tout le monde ne l'a pas forcément, c'est un fait. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, mais si, moi je sais très bien ce que c'est qu'un chef-op, mais il y a aussi des auditeurs qui ne savent pas. Mais pour vraiment distinguer la différence entre Die Hard et d'autres films, c'est que l'action est toujours lisible, c'est-à-dire que vous savez où les protagonistes se situent les uns par rapport aux autres. S'il y en a un qui est par exemple au deuxième étage, deux étages au-dessus des terroristes, le spectateur le sait, il a déjà repéré les lieux dans lesquels va avoir lieu l'action dans des scènes qui ont été montrées précédemment, parce qu'en fait tout a été pensé en amont. Quand John McClane passe dans les couloirs et voit un poster avec une pin-up, un calendrier, on a déjà eu ce passage-là, donc on sait où il se situe exactement. Ouais, c'était l'idée obsessionnelle justement de McTiernan, c'était de faire la topographie la plus essentielle possible et la plus lisible. Donc c'est vrai que là-dessus, on se repère facilement dans l'immeuble tout le temps. Ça aide justement à ce qu'on puisse se mettre à la place de McClane. Et là-dessus, il y a beaucoup de similitudes avec Carpenter, qui est aussi quelqu'un qui arrive à faire en sorte que on sait tout le temps là où on est. Et ça joue énormément dans un film en général et encore plus dans un film d'action. Alors nous sommes entourés par des experts autour de cette table. J'ai plein d'experts autour de moi, mais la question que je me pose toujours, c'est le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Piège de Cristal. Saurez-vous y répondre ? Dans Die Hard, Piège de Cristal, Bruce Willis sauve tout un immeuble. Dans Une journée en enfer, il sauve New York. Dans Armageddon, il sauve le monde. Est-ce que finalement, le seul truc qu'il n'a jamais pu sauver, ce sont ses cheveux ? Non, il n'a pas pu sauver aussi Die Hard 5. Oui. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais là, mais vraiment, non. Il n'y était pas. Non. Ouais, il n'y était pas. Non, on est d'accord. Donc, Die Hard 5 et ses cheveux. Et ses cheveux, les deux. Même Die Hard 4, c'était pas très bon. C'était non plus, pas terrible, mais bon. C'est... Le 5 n'existe pas. Moi, je suis négationniste du 5, personnellement. Bah, voilà, je l'avais dit. Dans Die Hard, Bruce Willis sauve souvent le monde en Marcel, mal rasé et pieds nus. Et ça gêne personne. Pourquoi, quand j'ai la même tenue, ma femme me dit que je me laisse aller ?

Nous sommes toujours avec les journalistes Stéphane Moïsakis et Léonard Desbrières, l'humoriste Dedo et le scénariste et réalisateur Florent Bernard, et on vient d'écouter un extrait de Die Hard 1, Piège de cristal, avec Pascal Renouic qui double Alan Rickman. Donc justement, Alan Rickman, parlons-en. Quel acteur ? C'est le premier film à Hollywood d'Alan Rickman, je crois. Qu'on met un petit peu de temps à reconnaître pour les plus jeunes et qui, en fait, a interprété Severus Rogue après dans la saga Harry, oui, Potter. Harry Potter. Et c'est son premier rôle au cinéma, son premier grand rôle, et il attaque directement par un vilain. Et c'est un vilain d'un autre genre qui est un peu machiavélique, qui est stratège, qui change un peu, justement. Hyper élégant. Voilà, affiné, exactement. Ouais. Du méchant, un peu bourrin, du film d'action qu'on a pu connaître. Mais fun aussi, en vérité. Oui. Moi, je trouve. Florent Bernard. C'est ce qui est très malin dans Die Hard 1, c'est que tu as envie de voir où va aller ce braquage, en fait. À partir du moment où ils expliquent qu'ils sont pas du tout des terroristes, que la politique, ils s'en foutent un peu, ce qu'ils veulent, c'est de la thune, il y a un espèce de truc où tu te dis, ah, du coup, c'est un peu fun. On pourrait faire un film que sur Hans Gruber, et ce serait genre le héros du film, et on verrait un flic essayer de l'empêcher de faire un braquage. D'ailleurs, on se retrouve à un moment du film à se dire, est-ce que je serais pas pour Hans Gruber? Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pense que McTiernan a fait en sorte que ces méchants qui sont européens et raffinés représentent un petit peu le cinéma européen. Et pour moi, John McClane représente un peu le cinéma américain. Donc du coup, il y a cette dichotomie-là qui est intéressante, qu'on n'a pas l'habitude de voir justement la plupart du temps, et qui est assez, encore une fois, nouvelle. C'est important de parler d'éléments novateurs dans ce film par rapport à l'époque, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui font que c'est fou pour 88. Mais d'ailleurs, il y a aussi cette verticalité de cette tour, avec ce monde du Nakatomi Plaza, qui est rempli comme ça de businessmen en costard, tous très élégants, et il y a John McClane qui arrive, il y a une limousine qui vient le chercher à l'aéroport, il n'assume même pas d'être sur le siège du passager, parce qu'il estime que c'est pas son monde, c'est pas sa condition, et il est toujours marginal dans ce monde-là, alors que Hans Gruber, lui, est totalement à l'aise. Ouais. On sent ça aussi, cette dimension comme ça de confrontation de deux milieux sociaux très différents. Il y a peut-être un côté aussi de McTiernan qui se transpose un peu dans son personnage de Bruce Willis. Enfin, les phrases que balance Bruce Willis quand il arrive à Los Angeles en disant « Ouais, j'aime pas trop cette ville », etc. On sent qu'il y a un peu du McTiernan qui, tout le monde d'Hollywood, etc., c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors, Piège de cristal a eu de nombreuses suites, mais sincèrement, il y en a certaines d'entre elles. Eh bien, il y a des gens, ils aiment pas. J'aime pas. À moi qui suis une grande fanatique de Jeremy Irons, je ne l'ai pas trouvé très convaincant en Asie recyclée. Et à partir du moment où Jeremy Irons apparaît, effectivement, il n'est absolument pas convaincant comme méchant. Et le film devient un pur divertissement d'action à ce moment-là, assez proche effectivement des James Bond, mais plutôt moins bien que les meilleurs James Bond. Et là, je trouve que le film se perd un peu et que McTiernan en fait un peu trop d'une certaine manière dans les morceaux de bravoure. Enfin bon, ça n'a aucune importance. Quand on va voir Une journée en enfer, on est content parce qu'on passe une journée en enfer. Voilà. Ça tire à tout va, John McClane avec une mitraillette, et on se retrouve même à Tchernobyl. On les aurait volontiers dispensés de cette surenchère. Il faudra faire attention la prochaine fois, si prochaine fois il y a. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu des suites à Die Hard, mais c'est justement presque pratique pour illustrer la différence entre un film d'action brillamment réalisé et des suites qui n'ont jamais réussi à retrouver la magie de l'original parce qu'il y avait du talent en moins. Qu'est-ce que vous avez pensé de la poursuite du long déclin de la saga Die Hard ? Bah déjà, je pense qu'il faut quand même sauver Une journée en enfer. Ah oui, oui, non, mais pour moi, en fait, oui. Die Hard, c'est le 1 et le 3. Oui, voilà. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que je me suis, enfin, il y a le réalisateur, mais je pense qu'aussi il y a des exécutifs. Le 4, je pense qu'il avait fait, il a été fait très tard dans un espèce d'esprit nostalgique de les gens vont apprécier parce que Die Hard, c'est une franchise un peu importante. Et ouais. Puis là, Bruce Willis, c'est chaud. Donc, il a un but financier aussi, je pense clairement. Voilà, c'est ça. Et le 4, en fait, ce qui est très intéressant, c'est un film qui est assez intéressant à regarder, qui est pas ouf, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit ce qui a essayé d'être fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté genre, bon, bah, on va mettre des geeks, on va mettre de l'internet parce que ça marche pas mal, et puis on va mettre Bruce Willis, on va dire qu'il est complètement largué là-dedans parce que c'est ce qu'on a retenu du personnage, alors que, en vrai, je trouve que c'est pas du tout le plus intéressant de John McClane. Et on cale des petites références cadeaux. Moi, il y a un exemple qui me fait toujours un peu sourire, c'est que à un moment il faut une référence à Die Hard 1, c'est-à-dire qu'il y a un agent qui s'appelle l'agent Johnson, ouais. Et qui dit agent Johnson, et en fait dans Die Hard 1 il y a deux agents Johnson du FBI, et donc cet agent Johnson dans le 4 se présente à Bruce Willis, et Bruce Willis fait Johnson encore, genre petite référence au 1, sauf que dans le 1 McClane ne croit jamais l'agent Johnson. Donc c'est complètement, ouais. c'est tellement la preuve de bon bah voilà, on essaie de faire des petits trèfles. Ça s'appelle une continuité de feignant, ça. C'est ça. Non mais voilà, mais ça ne marche pas. Ouais, puis quand mais dans les c'est assez symptomatique du coup du truc. Quand dans les dialogues ça devient méta par rapport à la franchise en général, c'est vrai que c'est mauvais signe. Mais puis ouais, mais malgré tout, il y a des trucs de qualité, même dans le René Harlin, même dans le 2. Il y a 58 minutes pour vivre. On est un peu sur un calque du 1 d'ailleurs, sauf qu'on change un peu de lieu. Mais c'est vrai que le Die Hard en fait parle d'enfermement au final. Hein. John McClane est tout le temps prisonnier. Il est prisonnier d'une Academy Plaza dans le 1, d'un aéroport dans le 2. Il est prisonnier des pièges de Simon, de Simon G, sans vouloir faire de spoiler. Et dans le 4, il est prisonnier d'une franchise, quoi. Il peut pas s'en... il est obligé de le faire parce que sinon, il peut pas payer ses impôts. Il est prisonnier aussi de l'héritage qu'il va créer. C'est-à-dire qu'en plus de devoir assumer une saga, il doit assumer toute une ribambelle de films d'action qui sont directement inspirés de ça. Qui sont ratés. Pas tous, mais tu l'as dit, l'enfermement, etc. Après, il y a une ribambelle de films qui sont sortis. Piège en haute mer, qui d'ailleurs devait possiblement être un scénario d'un autre Die Hard à un moment. On a eu tous les Air Force One, tous ces trucs où à chaque fois, c'est Speed. Voilà, seul contre tous dans un endroit confiné. Donc en plus d'assumer l'héritage d'une saga, il faut assumer le fait qu'on soit devenu une sorte d'éclaireur dans le film d'action. Stéphane, il faut préciser que c'était pas du tout une saga à la base. Hein. C'est pas aujourd'hui la façon dont on fabrique un blockbuster, c'est qu'on attend de créer une franchise à partir déjà d'un premier film. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. Il y avait zéro attente autour de Die Hard, et c'était tellement un problème que Bruce Willis soit l'acteur principal du film et un héros d'action, ce qui n'était pas du tout en fait à l'époque, que le studio l'a carrément enlevé de l'affiche 2 semaines avant la sortie du film parce qu'ils étaient persuadés que ça allait amoindrir les chances au box-office. Donc à partir de là, même la construction du film, c'est un huis clos, donc c'est hyper difficile de dire comment on va faire. Et donc l'idée de transposer dans le 2 par exemple dans un aéroport, et éventuellement s'ils avaient fait le 3 dans un bateau, c'était une manière en fait de se dire bon bah on tire notre révérence au film catastrophe qu'on cite. Là le premier c'était la Tour Infernale, le deuxième ça aurait été les Airports, et le troisième c'était l'aventure du Poséidon. Donc ça c'était vraiment l'idée originale après le succès du premier film, quoi. Mais c'est parti complètement ailleurs parce que McTiernan a complètement cassé la formule avec le 3, quoi. Et d'ailleurs le 4 vient tout casser pour moi, parce que dans le 3 on voit les failles d'un personnage parce qu'on le sent fragile et humain. Dans le 4 ça devient une sorte de super-héros, il fait vraiment des choses qui sont plus du tout normales. Ouais, voilà. Pas, quoi. Exactement, ça redevient une icône du film d'action, et du coup on perd ce côté proche de nous qui fait qu'on s'attache au personnage. Donc pour moi c'est une trilogie avant tout. Vous savez, celui qui a volé 600 dollars a une chance de disparaître. Mais celui qui a volé 600 millions de dollars, il n'y a que quand on le croit mort qu'on renonce à le rechercher. Posez cette arme tout de suite. On joue toujours les cow-boys, monsieur McClane. Les Américains sont incroyables, mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Assez plaisanté. Je sais pas qui fait le plus cow-boy de nous deux, Hans. Hey. Et qu'est-ce que vous m'avez dit la dernière fois? Yippee-ki-yay, pauvre con. Alors... on a parlé de John McClane, mais effectivement, il y a d'Alan Rickman également, mais il y a aussi tous ces seconds rôles qui ont une importance majeure, et notamment la femme de John McClane, Holly Gennaro, jouée par Bonnie Bedelia, qui à l'époque est un archétype de femme dans les films d'action comme on n'en voit pas. Working girl, une femme forte, hyper charismatique, qui n'a pas gardé, qui a gardé son nom de jeune fille, qui s'assume complètement et qui a l'air de gérer presque la prise d'otage au Nakatomi Plaza à sa manière et de manière totalement indépendante. C'est assez rare, ce côté visionnaire dans l'écriture d'un personnage féminin. Stéphane Moïsakis. Après, il y a aussi l'approche de McTiernan qui, encore une fois, ça dénote dans le cinéma d'action tout court, hein, de manière générale, c'est que chaque perso est quand même censé être intelligent, que ce soit le méchant, que ce soit le personnage principal, que ce soit donc effectivement la femme du héros. Et effectivement, c'est un personnage principal et il a été écrit alors comme ça. Et surtout, en fait, c'est Bonnie Bedelia qui l'a retravaillé. Et notamment, en fait, dans les deux scènes de plus ou moins ils se rencontrent, enfin où elle joue avec Bruce Willis, c'est des scènes qu'elle a énormément travaillé avec Bruce Willis pour essayer justement de créer. Parce qu'ils avaient vraiment que deux moments, créer cette connivence, cette façon dont on peut croire qu'ils ont été mariés, qu'ils ont traversé des problèmes de couple. Et c'est le centre du film, en fait. C'est-à-dire que je pense que les raisons pour lesquelles Die Hard reste 30 ans après, au-delà de sa mise en scène sophistiquée, au-delà de tout ça, c'est qu'on veut vraiment, c'est-à-dire moi, contrairement à mes acolytes à la table, j'ai vraiment envie que McClane retrouve sa femme à la fin, parce que c'est, au fond, une histoire d'amour aussi, quoi. Et tout ça, ça fonctionne effectivement là-dedans, et en deux scènes, quoi. Donc, parce que effectivement, c'est un personnage intelligent qui tient tête au personnage principal, qui tient tête au méchant, qui fait tout en fait pour essayer de sauver les gérer les gens avec qui elle travaille. Elle a ce rôle de boss, y compris dans une situation de crise comme celle-là, quoi. Donc oui, c'est un personnage assez fort en fait pour l'époque. Et John McTiernan, dont on a vanté l'intelligence, mais quelqu'un qui se pose vraiment beaucoup de questions sur le cinéma qu'il fait, parce que quand sont survenus les attentats du 11 septembre, une de ses premières réactions, ça a été de se dire j'espère que ça n'est pas moi avec la fin de Die Hard, de Piège de Cristal, qui ait donné l'idée à un tordu à l'autre bout du monde d'attaquer les tours, comme ça a été fait dans le film. Et il y a notamment une anecdote qui n'a pas eu lieu sur Die Hard, mais sur Predator, qui est pour moi révélateur ou révélatrice. Bref, de toute façon, on n'est plus à une faute d'orthographe près, du personnage. C'est dans Predator, les producteurs lui demandaient toujours plus de pistolets, plus de fusillades, et lui était contre. Il disait mais ça ne sert à rien, c'est une forme de pornographie du flingue qui ne sert à rien. Et donc au bout d'un moment, il a dit très bien, vous voulez une scène où on dégomme tout. Et on voit cette scène qui est devenue culte, où Schwarzenegger et son commando rasent une forêt en tirant à la Gatling, et ça ne sert strictement à rien. Non. Et donc, lui dit aux exécutifs, eh ben, vous voyez, ça ne sert à rien. Mais les exécutifs n'ont vu que les coups de feu. On dit, ah, vachement bien cette scène. Il y a même un des persos qui dit, j'ai rien touché, je crois. Il dit vraiment, ça va, c'est rien du tout. Mais McTiernan a toujours été conscient de ça, même dans la suite de sa carrière, dans Last Action Hero. Il parle du cinéma hollywoodien déjà, donc il a toujours été un peu dans cette critique en sous-texte. Et c'est ça qui fait, en plus de sa maestria, un réalisateur vraiment hyper intéressant. Non, puis c'est ce qui rend le personnage principal de John McClane aussi ultra intéressant, c'est-à-dire qu'il ne tue que quand il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, tout le long, même avec des personnages un peu exécrables, il fait tout pour les sauver. Ouais, à la fin, il essaye de sauver Hans. C'est de la légitime défense. C'est ça, exactement. Il essaie de sauver le personnage un peu insupportable que j'adore. Non, c'est le gars qui essaie de sortir avec Oli, qui veut négocier lui-même. J'ai oublié son nom. Et Ennis, Joël, un truc comme ça. Ouais. Il veut tout le temps, il fait son max pour sauver des humains et voilà. Et la preuve d'ailleurs, c'est que quand McTiernan n'a pas été dans le 2, c'est un des films les plus meurtriers du cinéma d'action. Oui, il y a des centaines. Mais ça, c'est parce qu'ils ont flingué 250 personnes d'un coup avec un avion. C'est vrai. Mais bon, et là, que McLean essaie quand même de sauver. C'est vrai. 58 minutes pour vivre, dans lequel il y a Robert Patrick qui apparaît d'ailleurs. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu. Qui sera un peu plus tard le fameux T-1000 de Terminator 2. Et alors, à propos de John McTiernan, là, j'aimerais sortir un petit peu de la saga Die Hard, parce qu'il y a un film qui, moi, m'a beaucoup plu et qui est souvent un petit peu maltraité dans les critiques, c'est le 13e guerrier, un film sur une rencontre entre un guerrier perse et des vikings. Et il y a notamment une des scènes qui pour moi résume un peu l'intelligence de McTiernan, et en termes, quand je dis d'intelligence, c'est vraiment en termes de compteur d'images. C'est une scène où Antonio Banderas, qui joue donc ce guerrier perse, ne parle pas la langue des vikings, et il vit avec eux plusieurs mois. Et donc à chaque fois qu'il les entend, on entend une forme de sabir incompréhensible. Et au fur et à mesure, dans la bande son, il y a un travail sur le son, tout d'un coup on reconnaît un mot, et puis deux, et puis trois. Et au final, il comprend leur langue. Et je trouve que dans un cinéma qui nous a habitués à nous présenter des étrangers qui parlent tous anglais, même des aliens, etc., avoir cette conscience de l'altérité, c'est-à-dire de savoir qu'il y a d'autres cultures, d'autres pays qui peuvent avoir une autre langue, et montrer comment on peut se rencontrer, et ben prendre le temps de montrer ça, c'est aussi signe d'un grand réalisateur. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Ah bah c'est typique de McTiernan, c'est qu'il est justement, il est très fan d'une narration au cinéma qui n'est pas faite forcément par les dialogues, mais par l'image, de ce qu'il rapproche du cinéma européen en général. Donc ça se ressent effectivement dans le 13e guerrier et dans tous ses autres films la plupart du temps. Même si le 13e guerrier c'est un film malheureusement dont on verra jamais la director's cut et qui aurait rendu ses lettres de noblesse, même si ça reste un bon film, il a eu beaucoup de problèmes avec les studios, comme il en a toujours eu en général malheureusement. Donc oui, McTiernan, c'est important de le réhabiliter. Pour ceux qui ne pensent pas, c'est quand même un incroyable, malgré sa fin de carrière et ses déboires judiciaires justement, c'est quelqu'un qui a révolutionné le cinéma. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il ne tourne plus du tout Il est censé retourner. Là, en fait, ils ont annoncé à Cannes qu'il revenait sur le devant de la scène. Un film de SF low-tech avec Uma Thurman. D'accord. Et on avec The Vikings, ouais. C'est ça, Travis Fimmel. D'accord, donc on peut espérer un retour de John McTiernan. Normalement, alors ça sera un tout petit budget, hein, mais normalement, en fait, oui, si tout va bien, il tourne à la fin de l'année. Et alors Bruce Willis, rapidement, parce qu'il a développé une relation d'amour-haine avec le personnage de John McClane, parce que pendant très longtemps, il voulait être connu pour autre chose. D'ailleurs, il a essayé de le faire, que ce soit Pulp Fiction, que ce soit L'Armée des Douze Singes, il a voulu sortir de... Mais il y est parvenu, à une époque, hein, il a vraiment réussi à faire autre chose que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu Sixième Sens qui a été un carton monumental dans lequel il tire pas un seul coup de feu, il sauve personne, même pas lui-même. Donc le truc, c'est qu'il y a vraiment une idée que non, mais voilà, il a fait beaucoup de drames, mais le problème c'est qu'en fait le personnage de McClane, c'est plus ou moins un personnage qui est arrivé au moment opportun à chaque fois dans sa carrière pour relancer sa carrière quand il était vraiment dans la panade en fait. Et c'est pour ça aussi je pense que Die Hard 4 a été une suite assez tardive, hein, c'est que il a plus ou moins accepté de le faire avec un gros cachet à la clé, hein, c'est à peu près à l'époque le seul coup de Trafalgar qui peut vraiment monter au studio et pour toucher ses 15-20 patates, enfin 20 millions de dollars de cachet. Et sans, alors pour le coup, moi je trouve avec Die Hard 4 et 5, vraiment pas du tout regardé à la qualité de. Enfin, le 5, c'est aberrant parce qu'il n'y a même pas de scénar qui rattache complètement à Die Hard. Il va en Russie, tu sais pas pourquoi il va en Russie, c'est complètement dingue. Ouais, et ce film n'existe pas, c'est pour ça. Non seulement à Die Hard, mais même au personnage de John McClane. Enfin, il y a Kevin Smith qui joue dans Die Hard 4, qui faisait un stand-up où il racontait le tournage, et en fait Bruce Willis, il arrêtait pas d'appeler le studio en disant non mais John McClane il fait pas ci, John McClane il fait pas ça, alors qu'en vérité il était tout le temps à côté de la plaque, quoi. On se demande s'il comprenait le personnage. Kevin Smith raconte justement une anecdote sur le tournage du 4, où après il le raconte dans un de ses stand-up, où il y a un fan qui vient le voir justement en bagnole, il traverse et il dit Die Hard, et il vient voir ensuite Kevin Smith en disant voilà, ça c'est les fans que je déteste le plus. Il a vraiment eu un problème avec ce personnage à un moment, alors que c'est quand même ce qui a fait sa carrière, je trouve. Ah, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter Lou Doyon avec Brother. Brother, where have you gone? So you're serious, you have become playing martyr and executioner in the name of your absent father, or so you claim. Brother, what have you gone? Like an eye when shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us tiles and mystery. Cause we need song. Give us dance. We need love and innocence. Brother, against whom these walls? Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades once again. Hey sister, where are we heading? We're lonelier than ever, just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Or so we're told. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us time. Give us dance. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. C'était Brother de Lou Doyon et maintenant on joue. Attention qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Sarah au téléphone. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous allez bien? Bah écoutez, plutôt bien, je me régale avec votre émission. Ah bah tant mieux. Quel est votre Die Hard préféré? Moi je dois dire que c'est mon le premier, mon préféré. Le premier, Piège de cristal. Oui, comme disaient vos invités, je pense qu'il n'y a qu'une trilogie. Je n'ai pas compté ceux d'après. C'est très bien, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, alors, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est noté. C'est parti. À quel acteur n'a-t-on pas proposé le rôle de John McClane ? Réponse A, Robert De Niro. Réponse B, Mel Gibson. Ou réponse C, Richard Gere. Mel Gibson, je crois. Vous êtes sûr? On va dire que non. Eh ben, vous avez bien raison de ne pas être sûr, parce que c'est pas Mel Gibson. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Oh, ben, écoutez, oui. Alors, à qui? À Dedo. À Dedo. Dedo, tu es prêt? Bah oui, par élimination. Attends, je te repose la question. 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Je repose la question. À quel acteur n'a-t-on pas proposé le rôle de John McClane? Donc réponse A, Robert De Niro, ou réponse C, Richard Gere? Moi j'ai le doute maintenant, parce que... Mais je dirais De Niro. Eh ben c'est une bonne réponse! Eh ben alors moi j'aimerais vous couper parce que je suis pas certain. Je crois justement qu'il était sur la liste, mais c'est à vérifier. Je crois qu'on a proposé à De Niro. Non, c'est Al Pacino. Al Pacino. Mais ok, d'accord. Ouais, alors. Mais c'est pas grave, c'est pas un grand moment de malaise là, qui vient de se créer. Je vérifierai quand même. Il est dissident des deux. Question suivante, Sarah. Cette fois-ci, vous allez devoir deviner si cette anecdote de tournage est vraie ou fausse. Dans le film Piège de cristal, Bruce Willis portait des chaussures en plastique qui imitaient ses pieds nus afin de ne pas se blesser. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça se voit dans le film, je crois. Eh ben, c'est une bonne réponse. Wow. Bravo, Sarah. Donc, dernière question, désormais. Maintenant, on va vous faire écouter un extrait en VO et il faudra deviner de quel personnage il s'agit. Now I have a machine gun. Alors, qui est Sarah? Est-ce que ce serait pas Hans Gruber quand il voit le terroriste avec son sweat? Oui, interprété par qui? Alan Rickman. Oh, ouais. C'est une bonne réponse de Sarah. Vous avez gagné le Rockyrama spécial Die Hard, excellent, écrit entre autres par Stéphane Moïsakis. Bien, ouais, je vous en dis. C'est faux. Très bien, je suis fan de Rockyrama en plus. Donc... Et ben voilà, on le sentait. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous et surtout continuez, c'est un plaisir de vous écouter. Je suis ravi. Alors j'en profite pour remercier mes invités. Merci Stéphane Moïsakis, merci Léonard Desbrières, merci Dedo, merci Florent Bernard. Merci. Je suis ravi de vous avoir eu autour de la table pour parler du film Die Hard, parce que je pense que à des échelles différentes, Die Hard a été un petit moment spécial de votre existence. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Et est-ce qu'il y aurait une sorte de nouvelle trilogie de films d'action, enfin de films d'action comme ça, qui vous plairait vraiment et sur lequel vous aimeriez qu'on planche? John Wick, personnellement. Ah bah voilà, Dedo. Bad Boy. Voilà. Bad Boys? Ouais, Bad Boys. Ah ouais, mais il n'y a pas encore de trilogie. Ouais, mais elle arrive. J'ai peur, mais elle arrive. Ok. Ouais. John Wick, c'est noté, et Bad Boys, on suit. Je le note dans un coin de ma tête. Comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Die Hard, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur le Twitter, hashtag BlockbusterFI. On se retrouve demain pour parler des années 80, de science-fiction, de complots militaires et de monstres venus d'autres dimensions. On parlera de Stranger Things. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Et après le journal, on retrouve Dorothée Barba. Bonjour Dorothée. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Le débat de midi, ce sera juste après les infos et on met notre nez dans un sujet très sensible. Allez-y. Le camembert. L'AOP va être élargie au fromage au lait pasteurisé, si tout se passe comme prévu, par les autorités compétentes. Et ça révolte les défenseurs du fromage au lait cru. Réagissez sur le site de France Inter à la page du débat de midi. L'appellation d'origine protégée camembert de Normandie pourra désormais, en 2021, être attribuée à du fromage au lait pasteurisé. Vaste débat. Scandale. Merci Dorothée. Je vais manger les jaunes.